Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Grand artiste à la carrière très brève, subversif et provocateur, musicien incompris, Albert Ayler demeure encore trop méconnu aujourd'hui. Conquis par le style d'Albert Ayler lors d'une tournée en Europe en 1966, impressionné par le son énorme et rauque qu'il parvenait à arracher à son saxophone ténor, John Coltrane disait lui-même « Albert Ayler m'empêche de dormir ». Durant le peu de temps qu'il lui restait à vivre, Coltrane devint un des appuis d'Ayler et lui ouvrit les portes du mythique label Impulse. Il exigea par testament que lors de son enterrement, la musique funéraire soit jouée par les frères Ayler. Un simple quartet remplaçait la traditionnelle fanfare et produisit une véritable offrande musicale, se terminant par un prêche gorgé d'émotions, un cri, celui d'Albert Ayler. À peine plus d'un mois après les funérailles de Coltrane, Ayler enregistrait les 6 premiers morceaux de Love Cry. Love Cry, c'est le titre que Daniel Coe avait choisi pour le second temps de l'atelier de création radiophonique qui consacrait à Albert Ayler en 1971, peu de temps après sa mystérieuse disparition. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. My name is Albert Ayler. Second part, Love Cry. Par Daniel Coe, René Farabet, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Anne-Marie Léotti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Liliane Houzel. Avec Roger Brett, Michel Garland. Témoignage. Alan Blauman, Don Cherry, Milford Graves, Leroy Jenkins, Sonny Murray, Archie Shepp, Alan Silva, Bernard Stoneman. Texte, Albert Ayler. To Mr. Jones, I had a vision. Enregistrement. Love Cry, Dancing Flowers, Universal Indians, Ghosts, Message from Albert, New Generation, All Love of Life, Masonic Inborn Part 1, Music is the healing force of the universe. Document retrouvé. 1966. Paris. Holy Ghost. 1967. New York. Funérailles de John Coltrane. 1970. Saint-Paul-de-Vence. Nuit de la Fondation MAG. Avec Albert Ayler. My name is Albert Ayler. Second part, Love Cry. Paris, Salle Pleyel, 13 novembre 1966, second concert. Albert Ayler, saxo ténor, Donald Ayler, trompette, Bill Folwell, basse, Michel Sanson, violon, Beaver Harris, drums. Thank you. En Amérique, je ne pensais même pas que les gens d'ici étaient au courant. Albert était au courant car la mentalité ici est plus élevée que là-bas. Car en Amérique, ils ne comprennent pas la musique. Ils courent après le fric, c'est tout. Thank you. Thank you. New York, 1967. Dancing Flowers. Albert Eiler, saxo-ténor. Donald Eiler, trompette. Alan Silva, basse. Cole Cobbs, clavecin. Milford Graves, drums. Milford Graves. Je le connaissais depuis 1965. On a joué ensemble plusieurs fois. La musique était en train de changer quand on s'est mis à jouer ensemble. C'était une question d'énergie. And one other thing that, you know, like a lot of times I had to like hold myself back or restrain when I played with a lot of other. Auparavant, je devais souvent me retenir quand je jouais sur mon instrument. And a certain tone quality. Mais lui avait un volume et une qualité sonore. Not restrain myself. Qui m'ont permis justement de me laisser aller. I would say play just like I would play with another drummer without worrying about playing too loud. You know, or doing things tone-wise. Je n'avais plus à me soucier de jouer trop fort. Be related to the horn. I mean, he had a certain tone quality. If you listen to Love Cry, like that's one thing. And then if you heard it's like si on écoute, in concert, it was par exemple, whole different le disque Love Cry. So like a lot of things I may be saying. C'est like, une chose en soi. As far as restraining myself or. Mais or, si on or, écoute or, le même say, morceau en concert, tone-wise, cela change complètement. Like, you wouldn't really be able to like judge ces choses que je dis au sujet de me retenir ou au contraire d'avoir plus de liberté sur le plan du timbre, du volume. They would be able to tell us right offhand. Vous n'entendriez pas ça like everything, you en know, écoutant un disque. Je me laissais aller complètement sans m'occuper de savoir si je jouais trop fort ou non. On ne s'occupait plus du reste des problèmes techniques, on jouait, c'est tout. C'était un peu ce qu'il y avait de spirituel dans Heyler. On devenait assez haut et je n'avais pas besoin de penser intellectuellement que je jouais trop fort ou trop haut ou trop doux. Simplement ça arrivait, c'était là, c'était si intense, c'était quand même une émotion contrôlée. you see, without trying to balance each other out, no matter how loud we went. On s'équilibrait automatiquement les uns les autres. And a lot of people can't do that with drums, you know, because the drums. Quelquefois, le volume de la batterie arrivait à un tel point so that wasn't with him. Que ça couvrait tout le reste. Because I've heard him play with about two or three drummers on mais the stage. Mais ça lui était égal. He played alto, man, and you heard him over everybody else. I mean, that's something he just had. He didn't really have to have. Il continuait à souffler dans son saxo. He didn't need that. He already had it naturally in him. Il n'avait pas besoin d'amplificateur. You know, and that's the thing that was different. Il avait un amplificateur naturel en lui. It's not that I want to play loud. À ce moment-là, je n'avais pas besoin de jouer fort, juste pour être entendu. I just feel like just playing loud. I want to do it. Mais s'il y a des moments où j'avais envie de jouer fort, eh bien j'y allais. It didn't matter with other people, you know. Il n'y avait pas de restriction. En d'autres termes, le tout organique était là, était présent. J'ai joué pendant 3 ou 4 ans avec Sonny. Alan Silva. And Sonny is involved with swing, but his swing has not been felt yet. Sonny, c'est le swing. Mais les gens ne l'ont pas encore senti. And that drums and rhythm are have to be felt by the people before they're understood. La batterie, le rythme, cela doit être senti par les gens avant d'être compris. Or the pulse, or the total swing, or the energy of the drum, until you can identify with it totally. On ne peut pas le sentir tant qu'on ne s'est pas totalement identifié avec lui. I felt was Milford and Albert when I played with them, because I played like several gigs, several jobs with them, and that Milford is punctuating, you know, where like Sonny lifts. Milford introduisait une ponctuation. Tandis que Sonny élevait, soutenait tout le saxophone. I mean, he could deal with it. Ça a changé un peu la manière de jouer d'Albert Heller. Parce qu'il avait réussi à communiquer avec Sonny, avec ce style. Il avait trouvé la longueur d'onde. Je ne veux pas faire de comparaison. Mais simplement, quand la musique était jouée par Milford et Albert, elle était différente que lorsque Sonny et Albert étaient ensemble. Ghost avec Sonny, et une autre version de Ghost, on ne peut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est simplement différent. Albert Heller, Don Heller, Alan Silva, Milford Graves, Ghost. We'll be right back. wrote for the Cricket magazine. Il a écrit dans le magazine Cricket. Milford Graves. He wrote a piece, and it's about spiritualism. Sur sa conception de la spiritualité. C'était sa vision. C'est ce qu'il avait vu. The Cricket. Direction Leroy Jones. Comité de rédaction, Sun Ra, Cecil Taylor, Milford Graves. Texte d'Albert Eiler. To Mr. Jones, I had a vision. Frères et sœurs, écoutez. Il y a quelques semaines, j'étais témoin de mon dernier miracle. Le voici. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Vénérez celui qui a créé le ciel et la terre, la mer et les fontaines. Babylone est tombée, car il a voulu que tout le monde boive le vin de sa colère. Et si l'homme vénère le mal et son image, et reçoit la marque sur son front ou sa main, celui-là boira le vin de son péché. Celui-là boira le vin de la colère de Dieu qui est versée dans la coupe de son indignation. Révélation, chapitre 14. Versets 7 à 10. Que chaque âme soit soumise à la grande puissance, car il n'en existe pas hormis celle de Dieu. Elle a guéri le mal des nations sœurs, alors proclamez la paix quand elle n'existe pas. Jérémie, chapitre 6, verset 14. J'ai eu une vision. C'était la nuit quand j'ai eu cette vision. Dans cette vision, il y avait un grand objet volant, avec des couleurs brillantes en forme de disque. J'ai pensé immédiatement au scorpion volant que j'avais lu dans le chapitre des Révélations dans la Bible. Mais quand l'objet commença à tourner, j'ai vu que premièrement il était plat, qu'ensuite il se coucha sur les côtés en émettant des couleurs brillantes et qu'il revenait à sa première position. Je courais avec mon frère quand il nous visa, mais il ne nous toucha point du tout. Je suppose que c'est ce qu'on appelle des soucoupes volantes. De toute façon, il m'a été révélé que j'avais le sceau du Tout-Puissant sur mon front. Un matin, je fus réveillé par les gosses d'en haut courant vers la fenêtre à cause d'un bruit dehors si perçant qu'il en était paralysant. Il me fut révélé quelques semaines plus tard que c'était Gabriel donnant un avertissement. C'était l'ange de Jésus se tenant à sa droite. Et dans ce cas-là, Gabriel, c'est l'esprit du bruit et de la force. Le bruit dura 5 minutes. Tout arrivera très vite. Alors soyez prêts. J'ai rêvé d'un homme qui s'apprêtait à faire la guerre à un agneau. Tout à coup, l'homme se retourna. Et il y avait un autre homme debout sur un disque avec de grandes épées qu'il lançait à la perfection. Il me semblait que c'était la magie du Créateur. Les épées étaient de couleurs vives et claires comme le cristal. Je me souvenais alors du livre des Révélations où Jésus viendrait avec une très grande épée. Dans une vision nocturne, j'ai vu un ciel noir. Et en élevant le regard, j'ai vu une grande étoile filer aussi vite qu'elle tombait. Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a que le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre planète. La planète nommée Vénus est la montagne de Sion, la demeure du Tout-Puissant. C'est pourquoi il est écrit qu'il créa le ciel et la terre, la mer et les fontaines et toutes choses. Le septième jour, il se reposa. Le septième jour où il se reposa est le jour du sabbat, qui est le quatrième commandement. Nous devons maintenant suivre le dixième commandement. C'est la loi spirituelle du Tout-Puissant. Vous voyez maintenant que toute discussion sur les autres planètes n'est qu'illusion. Je vous dis que quiconque désobéit au dixième commandement est un serviteur du péché. Frères, surveillez vos actes sexuels, car votre sang est votre force. Elijah Muhammad est le vrai prophète. La pureté, c'est la sainteté. N'oubliez pas que c'est mal de vous disputer, car quand vous le faites, l'ange démon ricane dans le placard. Alors, méfiez-vous. Voyez-vous, si vous vous disputez, l'ange pur vous quittera, car il est harmonie. Alors ne tentez pas le diable. Le démon se nourrit de saleté, de jurons, de blasphèmes et de discorde. Sur le front de Satan est écrit le mot « blasphème ». C'est aussi son nom. Alors méfiez-vous et respectez la loi de Dieu pour ne pas avoir aussi la marque du diable sur votre front ou votre main droite. J'ai déjà commencé à voir des gens avec cette marque, alors méfiez-vous. Et l'ange de Dieu sera toujours avec vous jusqu'à la fin. Ne mangez que des végétaux et pas de viande si possible. Que vos prières viennent du cœur et le Tout-Puissant vous entendra. Si vous le faites, vous serez délivré de la terreur nocturne, des flèches le jour, car il sera toujours à vos côtés. Souvenez-vous que la prétention et la discorde détruisent l'esprit de prière. Beaucoup déçoivent et chassent le Christ de leur foyer en s'abandonnant à l'énervement et aux passions. Ainsi parla le Christ. Une vision m'a fait apparaître la nouvelle terre construite par Dieu, sortie des cieux. Dans le passé, on l'appela le Nouveau Jérusalem. C'était une fondation solide, construite par Dieu lui-même, et non pas comme les fondations actuelles où l'homme cherche à tuer l'esprit des autres. La vision que j'ai eue de Jésus revenant, c'était encore la nuit. De grands nuages se formaient à l'est, et quelque chose me dit que c'est comme cela que Jésus reviendrait. Le Fils de Dieu viendrait au nom de son Père, le Dieu Tout-Puissant. Alors soyez prêts le moment venu, car cela peut arriver en un clin d'œil. Rappelez-vous qu'il a dit que vous ne connaîtrez ni la minute ni l'heure. Alors soyons les enfants obéissants des lois de Dieu. Nous vivons maintenant dans les ténèbres. Dieu Tout-Puissant est le Dieu de la clarté. Voyez-vous, il y a de formidables anges venant du ciel. Ils sont très grands, brillants, comme la couleur de l'éclair intensifiée 10 fois. Alors préparez-vous à voir des lumières éclatantes dans le ciel. Il m'a été donné de lire ce que le Tout-Puissant a écrit sur le mur de l'univers pour moi. Je vous livre ce message. Alors, ne désobéissez pas aux lois de Dieu. Le moment est venu. Faites des tracts. Donnez-les à tout le monde. Révélation, chapitre 14, versets 7 à 10. Il est très important de savoir ceci, car cela sauvera votre âme. Vous connaîtrez l'éternité. J'aurai plus à dire la prochaine fois. Faites circuler ceci par des lettres. Faites-les apparaître dans les journaux à travers les États-Unis. Ceci est très important. Le moment est venu. Albert Eiler. Bob Thiel called me and said, un jour, Bob Thiel m'a appelé et m'a dit, you know something? I said, Albert, est-ce que vous connaissez la nouvelle? Coltrane est mort. I said, no, Albert Ayler. J'ai dit, vous plaisantez. Like, you know, il est tellement bon. Il ne se fâchait jamais. You know? And then she said, I want he, his ajouté, last request was for son dernier souhait, ce que ce soit Ornette Coleman et vous qui jouez à son enterrement. I thought, I said, j'ai dit, how could I do that? How could I play crying? Mais je ne pourrais jamais jouer en pleurant. His body down there, right? And you know, died. And we was like upstairs on the top, and they had a big organ, and he was downstairs on the bottom floor. So the day before the funeral, we walked. Remember, we walked. La veille de l'enterrement, nous sommes allés voir Coltrane. He was like very stiff because he was very sick, but he car didn't complain to people. Il ne s'était jamais which plaint. I thought was like very beautiful because his wife didn't even know it because they had about three kids. Sa femme she was so ne busy savait watching pas. The kids that she didn't enfants, know that pas qu'il he était was malade. Actually sick at all. So he got so sick at one point. She looked at him. She said, "Come on, we got to go to the hospital now." La femme l'a regardé. Elle lui a dit, and then faut he was like unconscious maintenant. Then. See, so he said, "Okay," because he was thin then. But he was with a guy from India. They would pray together. They would sit and pray together for him to be healed of his sickness, whatever it was. I don't know today what it, exactly what it je what it toujours is. Pas ce jour ce qu'était people sa maladie. Many things about beaucoup de gens his sickness, disent beaucoup de choses really sur sa maladie. Exactly mais it, personne exactly ne sait what vraiment ce que what c'était. His was. So at the funeral that day, un enterrement we played ce jour-là, yeah, nous étions près de l'orgue et son corps était en bas. Arnie Coleman a joué d'abord et moi j'ai joué. I played Truth Marching In, Truth and is Marching In et Love Cry. I told him that we should take it a higher level. I said we should play without worrying about. Je lui avais dit, on devrait se laisser aller. Ne pas s'occuper de ce que sont normalement les funérailles en Amérique et les conventions. Milford Graves. Je voulais vraiment quelque chose de spirituel. Mais je crois que ça l'avait vraiment beaucoup frappé de voir Coltrane dans le cercueil. He was like a thing that he was, I could say, not scared or nervous, but seemed like this all of a sudden it got to him like he was saying that he was messing with some forces. Il disait qu'il avait l'impression qu'on lui demandait de jouer avec des forces avec lesquelles il ne savait pas comment se comporter. So I mean, there's no sense of stopping it there. This is where je lui he dis, Coltrane est mort, mais justement, c'est pas la peine de s'arrêter. So him, right Coltrane aurait dit que c'était vers ça qu'il fallait aller. Moi, je voulais mener les gens vers où Coltrane voulait les emmener. Et c'était ce que Coltrane voulait. Alors allons-y, jouons. Albert Ayler, Don Ayler, Richard Davis, Milford Graves, New York, St. Peter's Lutheran Church, 21 juillet 1967, funérailles de John Coltrane. Thank you. tape had been made. Une bande avait été faite et Bob Till, Albert Ayler, m'a demandé comment je voulais appeler cette mélodie. C'était après l'enterrement de Coltrane. Mais elle avait été enregistrée avant. Et j'ai dit, For John Coltrane. C'était avec Friedman au violoncelle. C'était très classique. Maria en avait rêvé la veille. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Like when it happened, the whole record was like very beautiful. Like very beautiful. For John Coltrane, Albert Ayler, saxophone alto, Alan Silva et Bill Folwell, basse, Joel Friedman, violoncelle. Thank you. Bob Field called me in to sign a contract. Then when I signed a contract, après Bob Field m'a appelé pour que je signe un contrat. Et tout a commencé à aller un peu mieux. Albert Ayler. Choses ont commencé à aller mieux parce que j'ai rencontré Maria. And I sleep and I take care of my music. S'occuper de discuter avec les gens, les affaires, etc. Et moi, je pouvais m'occuper de ma musique. And it's, you know, it's a blessing for me to meet her because I. C'est merveilleux de l'avoir rencontrée. and rest of all the suffering long time ago. I caught up so a couple years. Then we had the idea. She had the idea of the Newgrass. Bob Thiel wanted me to make l'idée the Newgrass. Newgrass album. He Bob Thiel voulait que je fasse l'album Newgrass et que je joue avec un groupe jeune pendant quelques minutes. Like equivalent in America to the Beatles. Aux États-Unis, ces jeunes étaient l'équivalent des Beatles en Angleterre. Like to stick with my own thing. Je dis non. Je préfère rester avec mon truc à moi si je peux. S'il faut que je joue de la musique pop, laisse-moi trouver mon groupe. Message from Albert. The music I bring to you is of a different dimension in my life. La musique que je vous apporte est d'une dimension différente de celle de ma vie. J'espère que vous aimerez ce disque. Les intuitions et mes visions m'ont rendu différent. La musique que je joue, je sais que je l'ai déjà jouée avant, dans un autre monde, dans un autre endroit. Et je suis revenu apporter un message spirituel aux gens de la Terre. C'est un message d'amour spirituel, de paix et d'indulgence. Nous devons retrouver l'harmonie universelle. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous devons nous aimer les uns les autres. Gare aux prophètes qui prophétisent selon leurs idées. C'est péché contre la loi. Nous devons comprendre ceci et nous réunir, car bientôt, il ne nous restera plus rien. Priez le Seigneur, repentez-vous, priez et repentez-vous, faites-le pour vous. Bon, il m'a dit, c'est le moment, vous devez faire Newgrass et vous devez chanter, m'a-t-il dit. J'ai dit, moi, chanter? Mais déjà ma tête éclate quand je joue. J'ai dit, bon, ben, il faut que je chante maintenant, d'accord. Je jouais dans un club et le premier soir, Je commençais à perdre ma voix, je disais. Jouer, c'est déjà assez difficile, mais chanter. Et c'est là le moment où devions aller au studio avec Marie. Et Marie se mit à penser. Elle disait, nouvelle génération, tout ça. Elle se mit à écrire, elle tourna en rond dans la maison toute la nuit. Et je me suis dit, merci Dieu pour les femmes, myself, you know. We'll be right back. Un jour, on était ensemble et il m'a raconté, il m'a dit ça. Sonny Murray. Et il m'a dit qu'il voulait jouer avec moi à nouveau. Parce qu'il voyait que j'avais pas d'argent et il m'a dit qu'il voulait pas que je souffre, il voulait que je gagne beaucoup d'argent. Je sais ce qu'il voulait dire parce que moi j'ai senti la même chose. En fait, il y a un moment où j'ai payé Archie Shepp pour jouer avec moi pas mal d'argent. Mais je lui ai dit, tu vas chanter, hein. Alors il m'a répondu, mais oui, je veux chanter, j'ai toujours pu chanter. J'ai toujours voulu chanter. À ce moment-là, on a commencé à chanter. Et on a commencé à chanter ensemble. Un peu en se moquant l'un de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit oui, il faut que je chante par contrat, c'est incroyable. Je ne savais même pas, c'était en tout petit caractère, je ne l'avais pas vu sur le contrat. Quelquefois, il était un peu naïf quand il était décontracté, un peu comme moi. Après ce disque, le disque qu'il a fait avec Beaver Harris, c'était Love Cry. Après ce disque, il fallait qu'il chante, sinon il perdait son contrat. C'était un début pour, à ce moment-là pour lui. C'est ça qui est tellement tragique. C'est pas sans les gens, ça peut pas être sans les gens. Et Albert était très conscient de ça. Ça le préoccupait beaucoup. Il était souvent soucieux, enfin, il y pensait tout le temps, pouvoir communiquer avec les gens. Et Cecil Taylor, lui, pour lui, c'était moins important. Il s'en face était un peu indifférent, tandis que lui, il disait, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je communique. J'ai entendu d'un de ses copains, il a dit Albert m'a registré une plainte, quoi. Il a dit, Albert m'a dit, Bernard la vie est tellement, les hommes sont tellement, sont absolument fous, on insiste que sur contrat je suis obligé de chanter. La dernière fois que je l'ai entendu jouer, c'était au Café au Gogo, assez récemment. Il chantait. Et il y avait le pianiste aussi, en même temps le harpsichord, on jouait du harpsichord. Il chantait bien, il a très très bien chanté. Et c'est la première fois que je l'avais entendu, c'était très très bien. Pour moi, c'était très intéressant de l'entendre en chantant, chanter la première fois de ma vie. Je ne l'avais entendu avant. Je n'avais pas suggéré, même. Je n'aurais pas suggéré. Next time I heard him, he was over at the Argo, in which he did attempt to assimilate, and he sang. Je l'ai entendu au Gogo, Alan Silva. Il a chanté. C'était bien. Il a commencé à utiliser sa voix. Pour lui, les chants, les cris, c'était nécessaire pour montrer aux gens, en fait, That was coming out of the horn. Que c'était ça qu'il sortait and de son saxo. People sometimes like it's the old thing. Well, if you write some music down, and so if you can't sing it, you can't play it. So I think he was trying to make a sort of statement. On dit quelquefois que like, look, I can ce sing qu'on ne peut I pas play. Chanter, you know what I mean? Like musicians yeah, sure. go around on and say, pas le jouer. Oh, hey, well, can you sing that, man? You know. Yeah, I can sing. You know, I mean, yeah. So like, it was a statement yeah. that like, whatever I'm playing, I can sing. You know, c'est ça qu'il voulait dire. Tout ce que je peux jouer, so je peux le chanter. Cela faisait partie de son essai d'apporter aux gens un autre son. Can you hear the angels singing their music? Yes, I can, yes, I can. They are telling of his love, telling of his love. I love you. Oh, love of life, do you hear me calling? Do you hear? L'établissement blanc, les institutions blanches n'ont jamais pensé que la musique noire valait la peine qu'on l'aide. Archichep n'a jamais eu de fonds du gouvernement, de la, par exemple, comme tout le reste a reçu des fonds, mais pas la musique noire, la poésie. Par exemple, la Comédie française reçoit beaucoup plus d'argent américain que, par exemple, Charlie Parker. You see, vous voyez. I know when Marcel comes here, you know, quand Marcel Marceau vient ici, Carnegie Hall, or wherever he's appearing, or, Carnegie Hall est rempli à craquer. You can because this is Western art. This you is can ask the classical musician. If I can go back to the fact that we always wait for black people to die. Alors je reviens encore au fait qu'on attend toujours que les noirs meurent, soient morts. C'est pas moi, c'est pas nous, mais plutôt eux. Ils attendent toujours qu'on meure avant de reconnaître. First that we're people. D'abord qu'on est des gens, qu'on est des hommes. Même avant ça, ce qu'on appelle l'établissement, il reconnaît seulement le potentiel économique avant de reconnaître le potentiel humain. Par exemple, Albert Ayler a été en Europe, il a beaucoup voyagé en Europe. Et maintenant, tout le monde se préoccupe. S'occupe de lui. C'est merveilleux. Mais est-ce qu'ils auraient pas pu anticiper? C'est que les gens n'anticipent pas les besoins de la culture noire. Et c'est pas seulement pour le vrai, pour les blancs. Moi, je déteste Bill Cosby, Sammy Davis Jr., Sidney Poitier, Harry Belafonte. Et beaucoup d'autres. C'est la même chose. Ils appartiennent au rien, au néant classique. Bill Cosby, il agit comme un professeur de gymnastique. C'est pas comme ça qu'il va apprendre à mon fils à jouer du jazz. Ou même à jouer au basketball. Sammy Davis Jr., il est comme un professeur de ballet classique. C'est pas comme ça qu'il apprendra à mon fils à jouer du jazz. Ou être créateur. Et pourtant, il fait ça avec un œil, mais ça arrive dans la vie. Harry Belafonte, il chante soi-disant de la musique populaire. Il chante pas dans les ghettos populaires, on l'a jamais vu. C'est vrai. Sidney Poitier, il joue du mieux qu'il peut. Moi, je l'ai jamais vu. Really? Well, so the point is that it's not, as Mr. Harris says, a question of the black against the white. Non, la question, c'est pas la question des noirs contre les blancs. But the wrong against the right. Mais en fait, la justice contre la justice, vous voyez. And I think that's kind of the issue. Et ça, c'est vraiment la question du jour. It is that people really are sensitive to the music of Albert Ayler. Que les gens qui sont vraiment sensibles à la musique d'Albert Ayler. John Coltrane, Archie Shepp, Beaver Harris, Roswell Rudd, Charlie Hayden, Duke Ellington, et tous les autres, Duke Ellington, Mr. Ellington. Mais les gens, doivent se rendre compte qu'il faut qu'on mange. On ne peut pas vivre avec sur du chewing-gum, du crachat. On doit survivre. Pipes is like Cornemuse, c'est une très belle musique. Albert Ayler. Vous pouvez entendre plusieurs cornemuses à la fois. On entend une toute autre musique. Masonic envoy. Yeah, that's right. Yeah, Masonic envoy. Our music is the healing force of the universe. Albert played the bagpipes. And yes, the title of the composition is Masonic envoy, part one. Marie-Maria. Peut-être dans l'avenir, Albert fera la deuxième partie de Masonic Inborn. La première partie était très jolie. You've heard that. That's a good one. That's on Music is the Healing Force of the Universe, his latest album. Mais la prochaine fois, j'incorporerai plus de son pour que ce soit encore mieux que la première partie. Oui, la première partie où j'ai un peu exagéré avec la synchronisation. Le peuple américain ne comprend pas. J'aurais dû être ici à ce moment-là, après avoir fait New Grants. J'aurais dû être quelque part en Europe. Mais je me suis dit, je vais donner une autre chance au peuple américain. Ils méritent bien une deuxième chance. Je suis resté. J'ai fait le disque suivant et rien ne s'est passé. Je sais qu'il y a eu des compositeurs français qui sont morts. Ils sont morts de faim avec de la musique tout autour d'eux. C'est ce qu'on m'a dit en Paris. Je savais aussi qu'il fallait 20 ans à Monk pour réussir. Il avait son piano dans la cuisine et il jouait Round About Midnight toute la nuit avec la salle de bain à côté de lui. Moi, je me suis dit, la vie d'artiste est dure. Il faut que je m'adapte parce que s'il faut 20 ans, je connais des gens comme Charles Ives, par exemple, un grand compositeur qui est mort alors que de son vivant, personne ne le connaissait. Il a dû avoir un différent job altogether. Je pensais que c'était très bad parce que last year I heard two conductors. C'était mauvais parce que j'ai su que l'année dernière, maintenant, jouait plus d'une centaine de ses pièces. But that's the way the life of an artist, and c'est you have to accept ça, it. So that's what I was, what I tried to do. There was one basic thing that happens with a free musician is knows that he is fighting a battle. Une chose était fondamentale pour les musiciens free, se battre, mener une bataille. Alan Silva. En fait, on s'attendait à une certaine résistance. Même si on se disait que tout le monde devrait nous comprendre. Après avoir donné des concerts au Village Gate, il a produit lui-même son propre concert. Et il y a eu 35 à 40 personnes. C'était le Fillmore, l'ancien Village Gate. C'était vide. Et ça l'a beaucoup affecté. Il revenait de sa tournée d'Europe. Il pensait qu'il était prêt. Sa dépression est venue justement du fait qu'il était rejeté. Il avait voulu présenter quelque chose qu'il avait produit lui-même et on l'a rejeté. Il a vraiment été profondément affecté. Ça ne l'a pas arrêté personnellement, mais il y a eu toute une période après dans sa vie où il n'y avait pas de travail pour lui et où il n'était pas reconnu. Saint-Paul-de-Vence, Fondation Mag, 25 et 27 juillet 1970. Albert Ayler, saxo ténor et soprano, Steve Tintwes, basse, Cole Cobbs, piano, Marie Maria, chant saxo soprano, Alan Blairman, drums. Thank you. Harakiri Hebdo, 31 juillet 1970. Delphel Dotto. En vacances, je l'avais bien dit, je ne toucherai pas à mon stylo. La preuve, je ne l'ai même pas emporté. Résultat, il a fallu que j'en achète un. C'est que j'ai assisté, à l'heure où je vous écris, au premier concert d'Albert Ayler aux nuits de la Fondation Mac, que je vais assister au deuxième et dernier demain soir, et que je ne peux pas me taire. Après 24 heures, je n'en suis pas encore remis. Je n'avais jamais vu, jamais entendu ça. 3 heures de la musique la plus effrénée, des rappels sans fin, un triomphe. Des musiciens bissants, trissants, revenant à 5 reprises jouer un dernier morceau, implorant 5 minutes de repos, finissant titubant de fatigue, épanoui, ému de voir enfin leur art reconnu, un public extraordinaire qui semblait tout comprendre. Public pourtant très hétérogène. La preuve est faite pour ceux qui en avaient besoin qu'il n'y a pas le free jazz d'un côté et le jazz de l'autre. Il y a le jazz, un point c'est tout. Le free jazz n'est qu'une étiquette commode. Et le jazz en ce moment, c'est Albert Ayler. Ayler en 70, c'est le plus grand. C'est Armstrong en 1927, c'est Gillespie en 1947. C'est le jazz. La musique la plus directe, la plus évidente, la plus joyeuse et la plus mélancolique. La plus dingue, la plus spectaculaire. Plus le concert avançait, et plus il apparaissait évident à tout le monde que nous assistions à un concert dont on reparlerait encore dans 20 ans. On m'aurait dit que 800 personnes allaient scander interminablement le nom d'Heller jusqu'à près d'une heure du matin. Je vous assure que j'aurais eu du mal à le croire. Il y a des jours où l'existence fait drôlement plaisir. If he had would have been allowed to have performed as much as possible, that he would have played a tremendous impact. Si on l'avait laissé jouer autant qu'il l'aurait voulu, Alan Silva, il aurait eu un très grand impact sur les musiciens et sur la musique. La musique qu'il jouait était tellement forte, tellement belle. Regardez la réponse d'un public français. Ça aurait été la même chose devant tous les auditoires devant lesquels il aurait pu jouer. Again will come the rising of the sun. Another day when we have begun. The unfinished chores of yesterday. We set about to find our way. We always finish and begin. We go through life until the end. And here are the things we do. We build it up and then tear it down. We start all it short and then make it long. Before we know it, the time is gone. But tomorrow is always another day. Yes, we'll keep going the same old way. But again comes the rising of the sun. Another day when our work has begun. We look for the better things in life, seeking to find an answer day and night. Always studying and planning to make a profit. And in the end, we sometimes wonder if it's worth it. And here are the things we do. We build it up and then tear it down. We start all over and make it round. We make it short and then make it long. Keep going the same old way. But again will come the rising of the sun. Son dernier concert, il était très heureux. Alan Blairman. Il a eu beaucoup de succès et les critiques avaient été très bonnes dans les journaux. Je l'avais rencontré avant. Un jour, je l'ai vu dans la rue. Il avait l'air un peu déprimé. J'ai été vers lui. Je lui ai dit que j'étais un batteur et que je l'admirais beaucoup. Je lui ai demandé de venir chez moi. On a joué. Et là, il m'a demandé de jouer avec lui. Avec Albert, on se mettait à jouer, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de répéter. On était ensemble, c'est tout. C'était en nous-mêmes. On pouvait communiquer spontanément. Il m'a vraiment ouvert à moi-même. Tout était original en lui. Il avait sa propre voix, son style. On était très proches. Seuls, on partait ensemble dans les montagnes. On a eu du bon temps. On s'éloignait de la soi-disant réalité. C'était formidable. Les conversations étaient tellement aériennes, tellement belles. On flottait. On était simplement. Ça avait tellement de sens. Ça se dissolvait dans notre esprit, dans notre être. On essayait de vivre ce dont on parlait. Vraiment, il m'a inspiré. Il m'a ouvert. Ce qu'il m'a dit s'est vraiment intégré à tout mon être. C'est devenu une part importante de moi-même. À ce moment-là, ça devient autre chose que des mots. Thank you. La première fois, c'était près de Nice. Alan Blairman. Et on a joué pendant 2 jours. On a joué à un concert ici après. On devait aller au Japon, au Texas. Et ça ne s'est jamais fait. On a fait un concert dans le Massachusetts. On avait l'intention d'aller au Texas, à Dallas, puis des universités, et ensuite l'Europe. J'ai une amie, la femme de Charles Clark, Leroy Jenkins. Elle a rencontré Ayler un soir. Elle lui a parlé de moi. Il a pensé qu'il aimerait bien avoir un violoniste pour un travail dans le Massachusetts qu'il allait avoir. Moravia called me up and told me, and so, like Albert Aller, I'd heard of him a lot. Moi, j'avais beaucoup entendu parler de lui. C'était un type qui avait quelque chose dans le ventre. Un message à donner. So anyway, he called me up one day and told me, il m'a appelé un jour. Come on over now, On a parlé. Je lui ai dit de venir. J'étais à Liberty House. He came and we talked, and so he said he would like for me to play with him. On a parlé. He didn't know what was happening, so he would like to play with me just to see. Il m'a demandé de jouer avec lui. Okay, that's cool. Il voulait essayer de jouer avec moi pour voir si on pouvait faire un disque. He went home and got his instrument, came back, and we went upstairs. Il est parti chercher son instrument. Il est revenu. Et on a joué. Il a joué certains de ses morceaux qu'il avait enregistrés sur disque. On s'est bien entendu. On a commencé à s'exercer. Et puis on a joué à Springfield, dans le Massachusetts. Oh, my God. I didn't know Albert Isler, but je ne le connaissais pas très bien. Ma première impression, le jour où on devait partir, une Cadillac arrive avec un chauffeur qui vient me chercher à 8h du matin. Et on est parti là-bas dans le Massachusetts. We played at a concert, outdoor concert. On a joué là-bas un concert dehors. Il y avait beaucoup d'orchestres de rock'n'roll, de très bons orchestres. J'ai l'impression qu'il voulait s'intégrer dans le programme. Je lui ai dit que j'avais été à New York assez longtemps et que c'était dur. Je lui racontais comme c'était dur à New York. Et on s'entendait. On comprenait ce qu'on ressentait tous les deux. Et lui et moi, et Alan Blairman, et Mary Maria, on est arrivés là-bas. Et on est entré à fond dans le truc. On a oublié le programme. On s'est mis à jouer. Et on a joué comme on n'avait jamais joué auparavant. Moi aussi, j'ai joué d'une manière différente. De toute façon, j'étais impressionné de jouer avec lui. J'avais le sentiment que lui aussi dépendait de moi parce qu'il venait d'arriver et qu'il ne savait pas trop ce qui se passait. Il a joué avec son petit chapeau de toréador. Avec son style brut, avec aussi cette sorte de truc d'église, d'hymne. Et on a joué fort, sans penser, sans calcul. Et vraiment, on s'est senti bien. Je crois qu'à différents moments, vous savez, on sent différentes choses. Albert Ayler. Il y a une différence entre mon premier disque et maintenant. On sent différentes choses à différents moments. Et quand c'est le moment de faire un disque, je répète avec un musicien pour voir s'il peut sentir un peu ce que je ressens. Et si je peux l'utiliser pour l'enregistrement, si oui, je l'utilise. Sinon, je cherche d'autres musiciens. La musique ne doit pas se faire avec un groupe permanent. On a besoin de différentes personnes afin que ce soit une musique neuve. Je pense maintenant que je préférerais avoir deux batteurs parce qu'ils se fatiguent beaucoup lorsque je joue. Par la suite, je pense avoir un bassiste, une basse Fender, deux batteries et un piano dans le fond. Je crois que toute musique doit avoir des racines, comme c'était le cas pour celle de Louis Armstrong. Cette vérité rythmique, c'est la chose la plus importante. La plupart des gens qui jouent, qui font de la musique d'avant-garde, ne font que des sons. Moi, j'aime le rythme comme l'aimait Louis Armstrong et Coltrane. Je dis que le rythme doit être là. Gotta be get right into that feeling, pour qu'on puisse rentrer dans le feeling. Just, just moving like that, it, you got to feel the rhythm to appreciate it. Il faut le sentir pour l'apprécier. Thank you. Cleveland, 4 décembre 1970. Un service funèbre a eu lieu dans la chapelle d'Highland Park Cemetery pour Albert Ayler, qui est apparu comme un des musiciens les plus importants du jazz d'avant-garde des années 60. Il avait 36 ans. Le corps de M. Ayler était retrouvé dans les Strivers de New York le matin du 25 novembre. Résident à Brooklyn, il avait disparu de son domicile depuis le 5 novembre. Il était le fils de M. et Mme Edward Ayler, qui sont toujours en vie. Survivent également à M. Ayler, son épouse Aileen Benton, dont il était séparé, sa fille Désirée et son frère Donald, lui aussi musicien. Si on ne donne pas au moins une certaine explication, si on ne nous dit rien, alors nous, on n'existe pas. Leroy Jenkins, les gens qui jouent de la musique comme Albert Ayler et comme tous les autres. On dit qu'on existe, et puis tout d'un coup, quelque chose arrive, et personne ne dit rien. Donc c'est comme si on n'existait pas, mais nous, nous savons que nous existons. Et nous devons savoir pourquoi Ayler est mort, parce que c'était un homme important dans notre communauté. Monsieur, nous avons reçu votre requête ayant trait au rapport sur la mort d'Albert Ayler. Apparemment, vous avez toutes les informations qui figurent sur ce rapport, à l'exception toutefois du résultat de l'autopsie pratiquée par le bureau de l'examen médical. Il s'avère que le sujet est mort à la suite d'une asphyxie par immersion. Les investigations conduites par le 76e squad révèlent que le sujet a sauté ou est tombé dans l'eau. Sincèrement, Wilfred Inhorn, City of New York, Police Department. Ce n'est pas la peine d'aller voir la police. La police, elle sait. Et elle ne vous dira rien parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Parce que c'est peut-être quelque chose de trop important. Albert faisait des choses dont personne ne savait rien. Et il avait aussi sa vie privée que tout le monde ignorait. Il connaissait des gens dans le monde de la musique, mais aussi en dehors. Et certains ont dit que c'était peut-être un complot contre les gens de la musique. Archichef, est-ce que vous avez entendu parler d'une la conférence de la mort? Ils devraient en dire plus long là-dessus. Ce que les docteurs font. Vous savez, le cœur peut être en train de battre. Mais les docteurs peuvent vous prononcer mort. Et si vous êtes noir, vous êtes mort avant que vous soyez vraiment mort. Et ça, c'est vraiment au cœur de la question. Vous pouvez mourir en tant qu'homme noir avant que vous soyez vraiment mort. Et ça, c'est vrai pour tout le monde occidental. Et ça doit être changé. Sinon, on est à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Pas avec des armes. C'est une guerre de conscience. Si vous ne pouvez pas faire face à ce fait, alors il faudra faire face à ce que vous pourrez. Vous savez, je ne suis pas un homme violent, mais je suis un homme physique. Vous savez, vous voyez, quand on va réclamer le corps de nos frères, alors là, on sait qu'on est en guerre. Oui, on a été réclamé le corps de Ayler. Milford Graves. Beaucoup de gens ont dit qu'Heller et son frère étaient fous. Moi, je crois qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années. I just don't know, you know. Maybe that's when his family or something else can come in and say. But if something definitely happened, peut-être un jour quelqu'un de sa famille dira ce qui s'est passé. You would say like certainement quelque chose est arrivé qui a fait qu'il n'était plus sur notre vibration. In other words, like he had gotten away from a lot of things that was existing around. On avait l'impression qu'il se détachait. He would say, well, that was there, and I'm getting contact with something else. But he neglected to see a lot of things that was really happening. And I think that this comes to him. You see, and he couldn't get certain answers from certain people that he believed it. Et quand il est retombé dans la réalité, ça l'a choqué. And this was because. Et quand il a essayé d'obtenir des réponses de gens auxquels il croyait, sans pouvoir les obtenir, ça l'a affecté aussi. If people in general were just truthful like this, you know, they really, si if people gens just like this, avaient just, été loyaux envers lui, feeling, si tout le monde avait eu le même genre de sentiment que lui, ça aurait pu marcher. Leroy Jenkins. Sa musique n'est pas morte, bien sûr. Mais, et la musique qu'il aurait pu jouer. Il n'a pas enregistré tout ce qu'il aurait pu jouer. On ne lui a pas donné la chance, l'opportunité de faire tout ce qu'il aurait pu faire. Il a commencé, c'est tout. On l'a juste laissé commencer. Il n'a même pas commencé. En tout cas, pas dans les termes habituels dont on dit que quelqu'un commence. Quand Albert est mort, en fait, je n'avais pas joué avec lui pendant 6 ou 7 ans. Si, j'ai joué une fois avec lui. Quand il est venu chez moi, il a joué les biniou. Il dirait que sans biniou, à ce moment-là, j'ai joué un peu avec lui. Il y avait quelque chose qui se passait avec lui. Il n'était pas fatigué. C'était pas vraiment de la fatigue. Parce qu'il était, quand même intense. On a rigolé à ce moment-là. Parce qu'en fait, on se ressemble. Il y a vraiment quelque chose qui se ressemble en nous deux. Sa mort, oui, non, j'essaie de ne pas en parler parce que personne ne sait vraiment. Et puis il n'est pas vraiment mort, son esprit est avec moi, il est présent, alors j'aime mieux pas parler de sa mort. You know, when he was living, you know, I used to try to summon him up my head, you know, and say, what's he doing? Quand il vivait, il disait souvent, quand il n'était pas avec moi, où est Sonny, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi. Vous ne vous rendez pas compte comment combien limité maintenant sont les forces, les créateurs, enfin les types, les compositeurs en musique. Je ne parle pas des orchestres, enfin les orchestres, mais les types qui font vraiment quelque chose, comme Gary Peacock par exemple, notre bassiste. People, you know, but there's still not that il y en a quelques-uns, mais enfin, il n'y a pas beaucoup. Not that many left, il n'y a pas beaucoup qui restent. Il y a Cécile, Taylor. Les types qui ont vraiment cette. Qui comprennent vraiment combien importante cette musique est. Et qui savent comment il faut définir le système pour pouvoir la jouer. En fait, pourquoi la New Music a été tellement importante, c'est que l'argent n'était pas tellement important. Ça, c'était secondaire. Elle survivait même sans argent. Spiritually, like the people that play with Albert. I won't like them if they didn't enjoy it, if they didn't like it, if they didn't realize how important. Moi, j'aime pas les gens qui ont joué avec Albert, qui se rendent pas compte à quel point c'était important de jouer avec lui. Ceux qui l'ont pas aimé, enfin qui ont pas été passionnés de jouer. So it seems like I've been a fairly good judge of characters because Alan Silva loved it and it was a wonderful thing to him, you know. Et pour Alan Silva, par exemple, il a, pour lui, il était passionné. C'était fantastique de jouer avec lui. You never really get over leaving. They loved him. C'était vraiment quelque chose pour lui quand il est mort. C'était pas seulement un travail de jouer avec lui, c'était pas un truc en passant, c'était plus que ça. On avait l'impression d'avoir le sentiment de croître, toujours de se développer quand on jouait avec lui. His death, Alan Silva, set a new kind of energy for myself, a survival. Je pense que sa mort pour moi a établi un nouveau niveau d'énergie. His death was more important for myself personally. Sa mort a été très importante pour moi. Great loss. C'est une très grande perte. Learn from something that he, something from his life. Je dois apprendre quelque chose because, de sa vie. As an artist and as a musician, parce qu'en tant qu'artiste, en tant que musicien, et spécialement de jazz, c'est important d'apprendre ce que l'histoire nous dit. Et il y a quelque chose que je dois apprendre de la vie d'Albert. Vous voyez, is, le mouvement du free jazz en Amérique, I'm the second generation. Moi, j'appartiens à la deuxième génération. Il y en a très peu d'entre nous qui restent. La deuxième vague, enfin, disons, les gens qui avaient une carrière en 1966-1964. Il y en a très peu d'entre nous qui restent. Enfin, de ceux qui appartenaient vraiment à ce mouvement et qui créaient. To ensure that the next generation of musicians have a better step. Et c'est nécessaire pour nous de nous assurer que la prochaine génération aura vraiment une meilleure base. It's important that his death be used as a personal experience. C'est pour ça que c'est important que sa mort soit utilisée comme une expérience personnelle. I believe we are music guerrillas, you know. People don't consider that we are. Je crois que nous sommes des musiciens révolutionnaires. When I go to a foreign country and perform, I know that I'm doing revolutionary work. Quand je vais à l'étranger, par exemple, je sais que je fais un travail révolutionnaire. He went into areas of Europe that I didn't. Albert aussi. Il est allé dans des régions d'Europe où je ne suis pas allé. Mais il a joué là pour certains groupes de gens, il les a vraiment secoués, il les a révélés à eux-mêmes. Il leur a fait poser des questions sur leur esthétique. Et c'est en cela qu'il s'agit d'une révolution. Sonny Murray. C'était formidable, ces expériences. C'était la profondeur des expériences que j'ai eues avec Al. Que j'ai toujours avec lui d'ailleurs. Oui, la vie devait aller dans ce sens, dans le sens de la passion. Moi, je peux le dire, parce qu'en fait, où est-ce qu'on peut aller ailleurs dans cette musique? On ne peut pas aller vers la haine, il y a déjà eu trop de haine, trop féroce. On est toujours là, Albert. La musique d'Albert est toujours présente, toujours intègre. Through his death, Don Cherry. I believe par sa mort. Je crois qu'il and nous donne also believe that la vie. We hear so much of death. Je crois qu'on entend tellement parler de la very mort seldom hear of immortality. On entend très peu, très rarement parler de l'immortalité. That's why I would rather say through his immortality. Et c'est pour ça que je préfère dire gives us life. Que c'est par son immortalité qu'il nous donne la vie. Alors.

open up your heart and soul and let it come in. Sometimes our very soul is in need of spiritual medication. We do not always need the pill and its content. Just open up your heart and soul and let it come in. Music of the universe, the music of love, be here, be here, be here, be ORTF, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. My name is Albert Ayler. Second part, Love Crime. Par Daniel Coe, René Farabet, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Anne-Marie Léotti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Liliane Ouzel. Avec Roger Brett, Michel Garland. Témoignage: Alan Blauman, Don Cherry, Milford Graves, Leroy Jenkins, Sonny Murray, Archie Shepp,

salto.